Salut à tous, bienvenue sur Podcast Science, le podcast qui fait aimer la science, épisode numéro 55. Salut professeur Fon. Salut Mathieu, tout va bien? Écoute, tout va bien, en pleine forme. Prêt pour cette deuxième partie du dossier sur le Ouais, ton langage chez magnifique l'humain. dossier sur le langage chez l'humain. Bon, on se réjouit de découvrir la suite. Alors, on a quand même eu quelques remontrances, hein, des plus fidèles de nos poditeurs. Même pas de dossier, même pas de quote. Certains ont cru que c'était la fin du monde. Donc il était temps qu'on arrive à cette deuxième partie du dossier. Et puis, ouais, de la quote et de tout ce qui va avec, hein. Ouais, je me suis fait un peu incendier. Mais tout va se régler dans cet épisode, pas de souci. Magnifique. Bah écoute, on va t'écouter tout de suite. Alors, moi, je n'y tiens plus. Alors oui, Allons-y. ben pour cette deuxième partie, bon, je vais juste revenir en quelques mots sur ce qu'on avait dit la semaine passée. Donc on avait commencé le dossier en parlant de l'histoire des langues, en parlant de nos ancêtres, qui avaient une sorte de proto-langue déjà chez l'homme de Néandertal. Ensuite, on avait parlé de la diversité linguistique. Qui représente en fait la diversité phonémique des langues. On avait remarqué qu'elle décroît quand on s'éloigne d'Afrique. C'est ce qu'on appelle un effet fondateur en série. C'est le même phénomène qui se passe avec la génétique. La diversité génétique décroît à mesure qu'on s'éloigne d'Afrique. Et ce qui voudrait dire que l'ancêtre de nos langues serait sorti d'Afrique. Alors ça, c'était pour la diversité des langages. Et on avait aussi dit quelques mots sur le langage comme technologie sociale qui permet le langage c'était un moyen qui ont permis à nos ancêtres de coopérer et d'éviter ce qu'on appelle le vol visuel par imitation de certaines pratiques. Donc le langage a permis d'instaurer une certaine négociation, un certain type de contrat entre les individus. On avait parlé du cerveau, de quelques aires dans le cerveau, l'aire de Broca, qui est l'aire qui, si on trouve une lésion dans cette aire, on perd la capacité de parler. Et on avait aussi parlé de l'aire de Wernicke, qui, elle, lors d'une lésion, donne une perte de compréhension du langage oral. Et une troisième aire aussi qui avait été découverte par Jules Dejerine, qui, lors d'une lésion, fait perdre la capacité de lire. Et à la suite de ça, on avait aussi parlé de l'aphasie, donc cette perte de la capacité de parler qu'on trouve chez certaines personnes. Et pour conclure, on avait aussi dit quelques mots sur l'influence du langage sur la perception des couleurs. On avait pris l'exemple d'une tribu africaine Imba qui utilise un autre vocabulaire pour définir les couleurs et. Bon, il semblerait visiblement qu'ils ont une perception de la réalité des couleurs un peu différente de la nôtre, mais ça, c'est un gros sujet à débat. On aura peut-être l'occasion de revenir dessus un peu plus tard. D'ailleurs, on a eu quelques contributions déjà à ce sujet, je reviendrai aussi là-dessus plus tard. Alors aujourd'hui, on va commencer par parler de ce que c'est la linguistique et la psycholinguistique. Alors, si on va sur Wikipédia, on nous dit que la linguistique désigne l'étude du langage humain. Rien de neuf jusque-là. La linguistique théorique est souvent divisée en domaines séparés ou plus ou moins indépendants. Alors, un de ces domaines, c'est ce qu'on appelle la phonétique, c'est l'étude des différents sons produits par l'appareil phonatoire humain. Un autre domaine, c'est ce qu'on appelle la phonologie. La phonologie, c'est l'étude des éléments d'articulation ou ce qu'on appelle les phonèmes d'une langue donnée. Donc, pour rappel, les phonèmes sont en gros les sons élémentaires associés à une langue. Ce que l'on représente à l'aide de l'alphabet phonétique, donc des voyelles, des consonnes et certaines combinaisons de voyelles et consonnes. Il y a en général plus de phonèmes que de lettres, puisque certaines lettres peuvent se prononcer de plusieurs manières différentes, et que certaines combinaisons de lettres peuvent donner des phonèmes nouveaux. Par exemple, si on prend la lettre C et la lettre H et on les met ensemble, ça donne un nouveau son qui est le ch. Ouais, pour lequel on n'a pas de lettres. Pour lequel on n'a pas de lettres. Mais le ch est considéré comme un phonème. D'accord. Donc on compte plus ou moins 36 phonèmes en français, mais dans certaines langues, il y en a beaucoup plus. On voit aussi qu'en linguistique, on trouve un domaine qui s'appelle la morphologie, qui étudie la structure interne des mots. On parle aussi de syntaxe, qui est l'étude des rapports entre unités lexicales dont la combinaison forme des phrases. On a ce qu'on appelle la sémantique. Alors la sémantique, c'est l'étude du sens des mots et des énoncés. Alors, par exemple, dans les hiéroglyphes, les pictogrammes et les idéogrammes, l'image du mot donne son sens. Mais rien dans le mot n'indique comment il se prononce. Si on a appris le code visuel du mot, on peut comprendre une même écriture, quelle que soit sa langue orale. Alors, en Chine, On voit qu'il y a environ 50 000 idéogrammes distincts. Bon, en usage courant, il y en a entre 4 et 5 000. Mais tous se lisent et se comprennent dans toutes les provinces, dont les langues orales sont différentes et incompréhensibles à ceux qui ne les ont pas apprises. Mais vu que tu vois, tu comprends, tu suis un Ouais, peu. je comprends. Donc, c'est pas seulement un alphabet commun, c'est carrément ouais, les idéogrammes, quoi. Le sens est exactement le même, mais ça peut se prononcer de manière complètement différente En fonction de la. selon la province. Exactement. Ok. Alors ça, J'ignorais totalement. ouais, c'est surprenant. Ça, c'est la partie de la linguistique qui s'appelle la sémantique qui étudie ça. D'accord. Une autre discipline, c'est la stylistique, donc c'est l'étude du style d'un énoncé littéraire. Et encore une dernière partie, c'est ce qu'on appelle le pragmatique, c'est l'étude de l'utilisation, donc littérale ou figurée d'une énoncé. Elle s'intéresse aux éléments du langage dont la signification ne peut être comprise qu'en connaissant le contexte de leur emploi. D'accord. Ok, puis donc pendant les 2 prochaines heures, tu vas entrer dans le détail Non, de toutes les t'inquiète pas. disciplines. Ah, d'accord. T'inquiète pas. Là, je cite juste les différentes disciplines qu'on trouve au sein de la linguistique pour avoir un peu une idée, D'accord. mais je ne vais pas rentrer en détail, Mais mon c'est cher. vrai que c'est vaste, hein. Parce que ça, c'était pour la linguistique, mais il y a encore la psycholinguistique. Alors, la Ok. psycholinguistique, c'est l'étude des processus cognitifs mis en œuvre dans le traitement et la production du langage. Donc, c'est une discipline qui a été fondée dans les années 1950, et la psycholinguistique fait appel à de nombreuses disciplines. Alors, entre autres, la linguistique, ce dont on vient de parler, mais aussi la neurologie, la neurobiologie, la psychologie et toutes les sciences cognitives d'une manière générale. Donc, la psycholinguistique est interdisciplinaire par nature. Et les méthodes de recherche dans cette discipline se basent principalement sur des expériences comportementales ou de neuroimagerie. Donc, par exemple, au moyen d'électrodes placées sur un sujet, on peut ainsi déduire que l'activité cérébrale sémantique chez un sujet sain précède l'activité syntaxique. C'est-à-dire qu'une personne interprète d'abord la sémantique, le sens d'un mot ou d'une phrase, avant d'en interpréter sa syntaxe. D'accord. Et par exemple, chez les patients ayant une aphasie, donc une perte de capacité de parler, on a vu que leur accès à l'information sémantique serait plus lent qu'une personne normale. D'accord? OK. On va essayer de voir jusqu'à quel degré finalement le langage est une faculté innée ou acquise. Alors, un des psycholinguistes les plus connus, c'est Noam Chomsky. Et Chomsky pense que les humains ont une grammaire universelle innée. Et cette grammaire universelle contiendrait les règles grammaticales permettant de parler toutes les langues, c'est-à-dire des structures communes à toutes les langues, inhérentes à l'esprit humain et à l'apprentissage du langage chez l'enfant. Ces structures linguistiques seraient d'ores et déjà codées dans le cerveau. Et les différentes langues parlées sur la planète ne seraient que en quelque sorte, des adaptations, somme toute cosmétiques, de ce langage cérébral fondamental. Et les enfants sont donc supposés avoir une connaissance innée de la grammaire élémentaire, commune à toutes les langues, à tous les langages humains. D'ailleurs, pour expliquer le fait que les enfants sont capables d'apprendre une langue qui a une grammaire complexe en un laps de temps relativement court, tout se passe comme si nous étions prédisposés à apprendre une grammaire qui comporte ce genre de règles. Et cette grammaire formelle que propose Chomsky expliquerait aussi la productivité de la langue. Avec un jeu réduit de règles de grammaire et un ensemble fini de termes, les humains peuvent produire un nombre infini de phrases. Et il existe et il existera donc toujours des phrases qui n'ont jamais été dites. Donc, Chomsky stipule que cette connaissance d'une grammaire universelle est donc déjà inscrite dans la structure de la faculté du langage. D'accord. Tu vas détailler un petit peu ce qu'il entend par grammaire universelle? Oui, on va en parler. D'accord. Ok. Alors, justement, cette idée que propose Chomsky, c'est ce qu'on appelle la linguistique générative. Par exemple, on a constaté que les enfants commettent des erreurs caractéristiques quand ils apprennent leur première langue. Tandis que d'autres types d'erreurs, apparemment logiques, ne se produisent jamais. Ces erreurs d'apprentissage faites par un grand pourcentage d'enfants tendent à démontrer justement qu'il existe un processus de généralisation des règles inhérents à l'apprentissage. Par Allez, exemple, d'accord. les enfants, ils ont tendance à dire, quand ils sont petits, ils sontaient au lieu de dire ils étaient. Ouais. Et donc l'enfant n'apprend pas par mimétisme, puisque l'erreur dans ce cas de figure, n'a pas été copiée d'un professeur, mais a été produite par l'enfant lui-même. Ouais. Une autre observation qu'on a faite, c'est que la progression dans l'apprentissage semble être temporellement ordonnée. C'est-à-dire, les enfants commence par analyser la structure qu'on appelle prosodique vers 3 mois. La structure prosodique, c'est-à-dire les accents et les intonations des mots. D'accord? D'accord. Donc déjà vers 3 mois, ils commencent à analyser cette structure prosodique. Puis, ils entament à analyser la structure segmentale plus tard, suivie ensuite de la structure syllabique, ensuite le lexique et enfin la syntaxe. Donc on voit qu'il y a des étapes temporelles dans l'apprentissage. Donc la faculté d'apprentissage du langage est structurée dépend donc d'un système cognitif. Et le fait que cet ordre ne varie guère, donc cet ordre d'apprentissage, comme je dis, en fonction des enfants, semble indiquer que ce système soit universel. C'est-à-dire que le mécanisme d'apprentissage n'est en général pas spécifique à une langue. D'accord. Donc selon la théorie générative de Chomsky, la faculté de langage est un processus cognitif. Et la faculté de langage est une capacité innée, spécialisée dans l'espèce humaine, qui permet l'acquisition du langage. OK. Donc même si aucun enfant ne naît avec la capacité de parler directement, tous naissent avec la capacité d'acquisition du langage, Ouais. qui leur permet d'apprendre le langage rapidement dans leurs premières années. Donc il existerait par conséquent un module cognitif humain universel qui serait de base à la faculté du langage et pouvant expliquer la rapide acquisition de la langue maternelle, et ce, peu importe la langue. Donc à cette théorie générative développée par Chomsky, il y a d'autres théories qui s'opposent un peu à ces idées. L'une d'entre elles, c'est ce qu'on appelle le béhaviorisme. Donc c'est un anglicisme pour dire aussi comportementalisme. Comportementalisme, ouais. Donc les béhavioristes ou les comportementalistes, eux, donnent une part plus importante à la non-spécialisation des structures d'apprentissage et au rôle des stimuli externes, des imitations. C'est-à-dire, pour les béhavioristes, le langage est un ensemble d'aptitudes conditionnées par le phénomène stimulus-réponse, D'accord. permettant ainsi la mémorisation. Il en découle que toute action de la parole est en soi un acte de répétition ou soit une analogie. Il réfute l'existence d'un dispositif inné, d'acquisition innée du langage, comme le stipule Chomsky. Ok, comme ça c'est clair, les deux camps Oui. Bon, il y en a sont en encore un place. troisième. Bon, je crois que, D'accord. si j'ai bien compris, ce mouvement de béhaviorisme est quand même pas mal pris en défaut, hein. Je crois que c'était plutôt un mouvement qui a commencé avant les propositions de Chomsky et qui continue à maintenir certaines postures comme ça, mais je crois que petit à petit on délaisse cette approche. Mais je ne suis pas spécialiste, donc je ne veux pas trop me mouiller là-dedans. D'accord. Mais un troisième point de vue de cette grammaire universelle et de la théorie générative postulée par Chomsky est aussi récusée, en fait, par un autre courant qu'on appelle le connexionnisme. Le connexionnisme. Le connexionnisme, lui, ramène la langue au cas particulier des processus généraux du cerveau. C'est-à-dire, les connexionnistes modélisent les phénomènes mentaux ou comportementaux comme des processus émergents de réseaux d'unités simples interconnectés. Alors, je vais m'expliquer. Ouais, volontiers. En fait, quand on parle de réseau d'unités simples interconnectées, on veut dire que la forme des connexions et des unités peut varier selon les modèles, mais c'est les mêmes pour tous les processus généraux et cognitifs du cerveau, pas seulement pour le langage. C'est-à-dire, les unités d'un réseau peuvent se représenter comme des neurones et les connexions peuvent représenter des synapses. Et on pourrait dire, par exemple, dans le cas de la linguistique ou du langage, que le modèle serait que chaque unité du réseau soit un mot et que chaque connexion soit un indicateur de la similarité sémantique. Donc, essayer de représenter le langage, finalement, la structure de langage comme une structure en réseau. D'accord, c'est un peu le genre de modèle qu'on utilise dans l'intelligence Tout à artificielle, en fait, fait. tout à fait, ouais. D'accord, ok. Donc, eux, ils font une sorte de similitude entre ces modèles d'intelligence artificielle et le fonctionnement du cerveau. Et donc, effectivement, le plus souvent, les connexionnistes modélisent ces phénomènes à l'aide de réseaux neuronaux. D'accord. Alors, comme on l'a vu, il y a quand même le gène FOXP2 et l'imagerie cérébrale avec la détection des aires de Wernicke et des aires de Broca qui ont tout de même permis de mettre en avant, en tout cas en partie, la caractéristique innée du langage chez l'homme. D'accord? Alors là, on a vu un peu les différents courants. Donc, selon Chomsky, il y a quand même une certaine part de faculté innée au langage, beaucoup moins chez les béhavioristes qui, eux, présente plus une relation stimuli et d'imitation. et les connexionnistes qui eux voient tout en réseau. Alors, on va parler un peu de l'acquisition du langage chez le bébé, chez l'enfant. OK. L'acquisition du langage, c'est une étape importante du développement de l'enfant qui se déroule généralement entre les âges de 1 et 3 ans. Et au cours du développement humain, le langage est précédé par des modes de communication non verbaux, donc des jeux d'imitation réciproques entre la mère et le bébé, par exemple. Dès la naissance, déjà quelques minutes après la naissance, le bébé détecte si les personnes qui l'entourent sont en train d'interagir avec lui ou non. Et si c'est le cas, le bébé répond et est stimulé par cette interaction. Il s'agit alors d'une communication préverbale. Par la suite, cette communication non verbale reste présente lors de la communication verbale aussi. Par exemple, on discute en se comprenant d'autant mieux qu'on se regarde l'un et l'autre. Donc, cette communication préverbale ne disparaît pas complètement. Et les crises du nouveau-né ne sont pas encore du langage, en fait. Il s'agit que d'expressions de malaise ou de souffrance, sans intention de signification ou de communication. Mais s'ils n'ont pas de sens pour le bébé, son entourage va leur en donner un. Et le bébé va alors pouvoir établir, à partir de là, un lien dans son cerveau entre ses cris et la vue des adultes. Il va les utiliser comme des signaux adressés à son entourage pour qu'il agisse sur lui. Et progressivement, l'enfant va reconnaître les personnes, établir un lien entre les personnes qu'elle prononce et certains objets qu'elle désigne. Et vers 3 mois, l'enfant comprend des mots simples, comme papa. Il est important de signaler ici que l'un des facteurs fondamentaux permettant le développement de la communication linguistique est la communication non verbale, donc d'imitation et communication affective. Et pour que l'enfant parle, il faut qu'il le désire, il faut qu'il soit stimulé. Et vers le 4e mois, on peut entendre les premiers gazouillis. Le bébé produit d'abord des sons de façon accidentelle, et c'est en général un fort stimulant pour les adultes en train d'interagir avec le bébé, qui commentent les sons, les répètent et y réagissent. C'est donc l'interaction adulte-bébé elle-même qui est stimulée, et donc le bébé est fortement incité à persévérer. D'accord. Donc il comprend que ouais, c'est s'il pleure, on va lui donner à manger, par exemple, ou on va le changer. Exactement. S'il gazouille, on va le câliner. C'est lui qui fait tous ces liens pour comprendre la signification finalement de ces cris qui au départ, enfin de ces manifestations qui au départ n'étaient pas chargées de signification. C'est ça Exactement. que tu dis. D'accord. Et petit à petit, le bébé reproduira aussi alors certains sons de façon constante et répétée. Et vers la fin de la première année, le babillage est plus clair, on constate la répétition intentionnelle de certaines sonorités. L'enfant a alors la possibilité de prononcer les premiers mots. On peut donc considérer qu'il y a deux moments principaux dans l'acquisition du langage. Dans un premier temps, la capacité d'articuler certains phonèmes indépendamment de leur signification, et dans un deuxième temps, la capacité de leur donner un sens relativement à la langue parlée par l'entourage. Alors, ce qu'on a aussi montré, c'est que chaque nouveau-né a la capacité d'apprendre n'importe quelle langue. Mais cette capacité ne peut se manifester que s'il est engagé dans un dialogue actif. Il apprendra alors sa langue et aura tendance à perdre la capacité à distinguer la richesse et la subtilité des autres langues. À 6 mois, l'espace des voyelles se rétrécit à la langue maternelle, puis à l'âge d'un an, celui des consonnes. Et c'est à cet âge, par exemple, qu'un enfant japonais apprenant sa langue perd sa capacité à distinguer le R du L. Donc tout se passe comme si l'acquisition du langage n'était possible qu'au prix d'un oubli. Ouais, c'est intéressant. Donc cette appropriation de la richesse et de la singularité de sa langue maternelle a tendance, si on n'apprend pas d'autres langues, à rendre indistinctes ces autres langues qui deviennent comme du bruit incompréhensible. D'ailleurs, l'expression des Grecs de l'Antiquité pour désigner les étrangers, les barbares, vient de cette idée-là, parce que il leur semblait quand il y a des étrangers qui arrivaient en Grèce, aux Grecs, il leur semblait que ces étrangers ne savaient pas parler. Il leur semblait qu'ils n'avaient pas de langage. Seulement la capacité d'articuler des sons sans signification, bar, bar, bar, une sorte de charabia comme ça. Bar, bar, bar, donc D'accord. barbare. Donc tu vois durant la première année, on est ouvert à toutes les langues et petit à petit, on se spécialise et on acquiert une sorte de prosopagnosie appliquée aux langues. Juste une agnosie en l'occurrence, Comment? je pense. Juste une agnosie en fait. Pourquoi? appliquées aux langues, parce que proso, c'est le visage, Ah, donc le d'accord, fait ouais. d'oublier, c'est Ok. agnosie, si j'ai bonne mémoire. Ok. Ok, bah super intéressant, mais enfin tout ça, ça peut quand même être compensé, j'imagine, par la suite. Un japonais peut apprendre à parler parfaitement une langue européenne par la suite, ou non, la théorie dit que c'est pas possible. Alors, le moment où on est le mieux apte à apprendre plusieurs langues, c'est durant la première année. Et après, plus le temps D'accord. passe, plus c'est C'est difficile. difficile, ok. Et j'avais d'ailleurs annoncé il y a quelques épisodes l'intention de rédiger un dossier là, sur le langage chez l'humain. Et bah, un de nos auditeurs, Thierry Reber, on a profité pour nous envoyer un message. En fait, il nous a envoyé plusieurs messages. Il a l'air de bien s'y connaître et il voulait nous envoyer quelques recherches plus approfondies sur ce thème de l'apprentissage du langage chez le bébé. Alors, c'est assez dense et c'est très intéressant. J'ai mis le contenu de son message dans le dossier, vous le retrouverez sur le site, Donc dans la version écrite du dossier. dans la version écrite du dossier. Ok. Je vais peut-être pas le reprendre aujourd'hui, parce que c'est un peu long, un peu dense, puis ça risque de faire un peu trop pour aujourd'hui, je pense. Mais peut-être la D'accord. semaine prochaine, si on a un peu de temps, on reprendra. Ok. Ouais, quand tu dis qu'il a l'air de s'y connaître, en fait, il est prof assistant à l'université de Neuchâtel, doctorant en linguistique, justement. Ouais, donc ici, S'y connaît. Il n'y a aucun doute là-dessus, il s'y connaît. donc il nous parle par exemple là des expériences qui ont été faites pour justement déterminer ce qu'on ces bébés en fait on les appelle les phonéticiens universels parce qu'ils ont D'accord. la capacité d'apprendre tous les sons et toutes les langues. Donc il nous parle des différentes expériences qui ont été faites là autour. On reviendra là-dessus, je pense, la semaine prochaine. Ok, ça marche. Alors. Il y a quand même un certain nombre de questions qui restent encore ouvertes et qui ne sont qu'en partie résolues. Par exemple, la capacité à utiliser le langage est-elle apparue brusquement? Donc ça, c'est la position défendue par Noam Chomsky. Ou c'est plus un processus de sélection naturelle? Ça, c'est la position défendue par un autre chercheur qui s'appelle Steven Pinker. Donc là, c'est pas encore une question tranchée. Il y a aussi quelles sont les facultés nécessaires. Quelles facultés nécessaires au langage sont-elles modulaires? Donc, est-ce que le langage se définit plutôt sur un modèle modulaire ou peut-être plutôt sur un système de réseau, comme le disent les connexionnistes? Ou sur un système modulaire dans le cerveau avec l'aire de Broca et des aires spécialisées? Ouais. On n'est pas encore non plus, je ne crois pas que c'est tranché. D'accord. On peut aussi se poser la question s'il y a une période critique pour apprendre à parler. Donc ça nous renvoie à la question des enfants sauvages. Ouais, avec le fameux enfant de l'Aveyron là qui avait jamais appris à parler finalement, je crois, hein. Finalement, je crois qu'il n'a jamais réussi. Il prononce un peu quelques sons, mais parler, il n'a jamais réussi. Donc, il semblerait qu'il pourrait peut-être y avoir une période critique aussi pour apprendre à parler. D'accord, puis une fois qu'on a passé cette période critique, c'est fini, on perd cette capacité Ouais, mais comme je te dis, ça, à c'est des questions l'apprentissage. encore ouvertes. Ouais, d'accord. Alors là, il y a la grande question. D'ailleurs, Thierry Reber est revenu dessus aussi avec un ou deux mails. Je pense que ces mails, peut-être on les reprendra aussi la semaine prochaine, mais là, je vais aborder un peu la question. C'est la grande question dans les sciences linguistiques, c'est notre langue influence-t-elle notre façon de penser? Ah. Donc ça, c'est une hypothèse qu'on appelle l'hypothèse de Sapir-Whorf. Donc D'accord. cette hypothèse décrit le rôle du langage dans la pensée. Donc la façon dont on perçoit le monde dépendrait du langage. Autrement dit, que les représentations mentales dépendent des catégories linguistiques. Alors, c'est typiquement ce dont j'avais parlé la semaine passée, l'influence du langage sur la perception des couleurs chez la tribu Imba en Namibie, qui eux, ils utilisent un autre vocabulaire pour les couleurs et il semblerait qu'ils perçoivent un peu les couleurs différemment. Un autre exemple, le mot américain peut prendre un sens différent selon la langue. En français, un américain, ce sera presque toujours compris comme un habitant des États-Unis d'Amérique. Ouais. Par contre, en espagnol, un americano signifiera toujours un habitant de l'ensemble du continent américain. Ouais, Ça, c'est dû au lien culturel entre l'Espagne et les pays hispanophones du continent latino-américain. Donc, le terme américain courant en français se traduirait en espagnol par estadounidense, c'est-à-dire états-unien. ouais. Donc, la réalité serait, selon cette hypothèse Sapir-Whorf, dans une grande mesure inconsciemment construite à partir des habitudes linguistiques du groupe. Deux langues ne sont jamais suffisamment semblables pour être considérées comme représentant la même réalité sociale. Et les mondes où vivent des sociétés différentes sont des mondes distincts. Pas simplement le même monde avec d'autres étiquettes, mais vraiment des mondes distincts. Alors cette thèse de Sapir-Whorf Worf qui dit que notre langue influence notre façon de penser est au cœur d'une grande controverse. Parce qu'au début des années 1960, les psychologues Roger Brown et Eric Lenneberg ont entrepris de véritablement tester cette hypothèse à partir d'observations expérimentales et montrèrent que le lexique des couleurs semblait avoir une influence réelle sur la perception et la mémoire de celle-ci, par des locuteurs parlant des langues différentes. Par contre, une étude à large échelle comparant les termes de couleur dans plusieurs dizaines de langues menée par les anthropologues Brent Berlin et Paul Kaye a montré que l'organisation, ça a montré le contraire, c'est-à-dire que l'organisation hiérarchique du lexique des couleurs est quasi universelle. Et ils conclurent donc, à l'inverse de la thèse Sapir-Whorf, que c'était l'organisation des catégories mentales qui déterminait les catégories linguistiques. D'accord. Est-ce que tu m'as suivi? Ouais, je te suis. Bon, oui, il faut dire que j'ai lu un des emails de Thierry Reber sur le sujet dans la journée, donc je suis Alors, bien au point sur la ouais, question. il détaille très bien ça. D'ailleurs, il nous explique avec ce cas de la tribu Himba. On comprend un peu mieux, en fait. Ils ont quand même des catégories de couleurs les mêmes que les nous. Les catégories des couleurs sont en fait organisées d'une manière très, très détaillée en linguistique et on retrouve ces mêmes catégories en fait, bien qu'ils aient un vocabulaire différent. On reviendra, je pense, un peu plus en détail la semaine prochaine là-dessus. Mais il détaille bien, c'est très intéressant. Alors bon, dans tous les cas, ce qu'on peut en tout cas dire, c'est que la pensée d'un individu est au moins en partie dépendante des langues qu'il connaît, et en particulier de leur précision. C'est ce qu'on appelle apprendre une langue. C'est la création d'une série de liens entre des signifiants, donc des mots, et des signifiés, des concepts. Si un signifiant est absent, donc si nous ne connaissons pas l'existence d'un mot, alors le signifié, le contexte exprimé par ce mot, pourra parfois être également absent. Mais à l'inverse, il est aussi possible de ne pas trouver un mot correspondant à un concept que l'on a en tête. Alors, ça c'est un peu pour la grande controverse. On reviendra dessus la semaine prochaine. Maintenant, on va s'intéresser à aussi une autre polémique. Bon, peut-être pas polémique, mais aussi une controverse, je pense dans une certaine mesure. Quels sont les processus cognitifs? Ah non, pardon, une petite chose avant. Je voulais parler en fait de la faculté langagière des animaux. Mais une petite chose avant. Quels sont les on va parler de la seconde langue. Tu m'avais posé la question avant. Donc, quels sont les processus cognitifs associés à l'apprentissage et à l'acquisition d'une seconde langue? Alors, on voit que les enfants apprenant une deuxième langue sont plus aptes à la parler couramment que les adultes. Et en général, c'est très rare qu'une personne parlant une deuxième langue soit complètement bilingue et passe pour une autochtone. Alors, voilà. Maintenant, je vais revenir sur la grande question aussi, les animaux ont-ils des facultés langagières? Alors, on a pu montrer dans les années 1970, 1970 que les vervets, ce sont des singes verts, alors qu'ils étaient captifs dans une réserve du Kenya, ils étaient capables de moduler leurs cris d'alerte afin d'induire des stratégies défensives appropriées. Par exemple, s'enfoncer dans la végétation à l'approche d'un aigle, ou au contraire, grimper le plus haut possible à l'approche d'un léopard, ou encore scruter le sol avec attention pour choisir le bon arbre à l'approche d'un python. Donc on notera que la sémantique de ces cris chez ce singe vert n'est pas innée, mais est enseignée aux jeunes singes par leurs parents. Donc il y a une sorte de transmission culturelle. C'est ce type de communication qui devait sans doute exister chez les Australopithèques et même leurs prédécesseurs, qui a dû se développer sensiblement chez l'Homo habilis pour lui permettre d'organiser ses activités collectives. On voit aussi que la danse des abeilles est utilisée pour communiquer la distance de la source de nourriture. Le chant des oiseaux est un chant articulé. Le chant des baleines qui fait réagir d'autres poissons. On a constaté que lorsqu'on fait écouter artificiellement un cri de baleine à un groupe de poissons, celui-ci répondra au son en s'éloignant de la source, même si aucune baleine n'est présente. Donc, voilà, question communication animale ou langage? Où situe la frontière entre le langage et d'autres formes de communication? Donc, il y a un certain nombre de propriétés du langage humain qui ont été mises en avant pour tenter de séparer ce qu'on appelle communication animale et langage humain. Alors, par exemple, comme j'ai dit avant, la transmission culturelle. Alors, c'est pas le cas. Il y a certains singes qui arrivent à transmettre culturellement le langage. C'est-à-dire que le langage est passé de l'un à l'autre, consciemment ou inconsciemment. Alors ça, c'est propre généralement à l'être humain. Il y a peut-être quelques exceptions, mais c'est propre à l'être humain. Le langage humain est aussi constitué d'éléments discrets, d'unités discrètes qui sont utilisées en combinaison pour créer du sens. Des éléments discrets, c'est-à-dire Des mots, d'accord. combinent ensemble pour créer des phrases. OK. On a la notion de déplacement. Le langage peut être utilisé pour communiquer sur des choses qui sont ou qui ne sont pas dans notre voisinage, autant spatial que temporel immédiat. Donc, on a la capacité de parler à travers le langage, de parler de notre passé, de notre futur, d'un point qui n'est pas devant nous à l'autre bout de la Terre, d'un lieu géographique éloigné. D'accord? On a aussi cette capacité de métalinguistique, c'est-à-dire la capacité de discuter de notre propre langage. C'est ce que font les linguistes, par exemple. OK. D'accord? On a l'idée de productivité aussi chez le langage chez l'humain. Un nombre fini. Pardon? Ouais, non, Un nombre. j'essaye d'imaginer ce que ça peut bien La être. productivité, non, mais c'est un nombre fini d'unités ou de mots peuvent être utilisés pour créer un nombre infini d'occurrences. Ah, d'accord, OK. Ça, on appelle la productivité, c'est marrant. Ouais. OK. On a cette capacité à l'alternance. C'est ce qui permet un aller-retour entre les interlocuteurs dans une véritable communication à double sens. La différence avec le langage animal, dont les signaux émis généralement unilatéralement déclenchent une réaction plutôt que d'entrer en relation sur le mode du langage. D'accord. D'accord? Chez les animaux émettent des sons ou des signaux, mais la réaction de son congénère est plus une réaction physique d'aller se cacher, de monter sur un arbre, plutôt qu'une réaction sous mode de langage. C'est pas de répondre ouais, plus tard. Voilà. OK. On a aussi la capacité à exprimer le possible et non seulement le réel présent. C'est la condition sine qua non de la capacité d'abstraction. On a aussi la capacité à exprimer des liens logiques, ce qui permet la naissance de l'argumentation. Qui est pas toujours logique. Et on a aussi la capacité à exprimer la mémoire du passé. Donc l'aboutissement le plus achevé de cette capacité, c'est l'écriture. Mais on a, à l'époque, la transmission orale existait aussi, usant de cette même capacité. Alors, des recherches sur les singes suggèrent qu'ils sont capables d'utiliser le langage de manière à satisfaire certains des critères que je viens de citer. Donc, D'accord, mais jamais tous à la fois. exactement. Donc, Ouais. ils arrivent, par exemple, à émettre une sorte de transmission culturelle de leur langage. Dans certains cas, ils ont un langage construit avec des unités discrètes. Ils ont un langage aussi productif, mais aucune expérience n'a montré qu'ils étaient capables de couvrir tous ces critères en même temps. Ouais. Alors, par exemple, le chimpanzé peut parler à ses congénères afin d'aviser de l'approche d'un danger. Mais dans ce cas, il s'agit uniquement d'un langage lié à un événement observable, ce qui montre un manque de faculté langagière de déplacement, donc temporel ou spatial, de la part du chimpanzé. Alors, j'arrive au bout, tranquillement du dossier. Pour conclure, et pour ceux qui veulent aller encore un peu plus loin sur cette thématique. Alors, je vous invite en premier lieu à écouter une émission de La Tête au Carré sur la voix. Donc, c'est très intéressant la voix. La voix, c'est forcément lié au langage, mais ça va même un peu plus loin des fois, parce que ça nous relie aussi à notre identité. Chaque personne a une voix un peu différente, une sonorité de voix un peu différente. Et ce serait peut-être aussi la voix, une faculté propre à la condition humaine. Enfin, c'est une émission très intéressante, je vous invite à l'écouter. Et je vous renvoie aussi à un article publié sur Internet Actu, donc il y a les liens dans le dossier qu'on mettra sur le site. Donc un lien vers un article publié sur Internet Actu qui traite des recherches effectuées actuellement sur l'évolution du langage chez les robots. Alors ça, c'est pour les technophiles. OK. D'accord. Et voilà, comme je l'ai déjà dit, un grand merci à Thierry Reber. Je pense qu'on reviendra la semaine prochaine sur ses messages, sur ses emails qu'il nous a envoyés. Il approfondit pas mal tout ce que j'ai dit, c'est vraiment bien. Mais là, je crois qu'aujourd'hui, ça fera un peu trop si on se lance là-dessus. Ouais, effectivement, parce que c'est assez long, hein. Pas aussi long que ton dossier, mais quand même, c'est copieux. Donc ouais, excellente idée. On va se garder ça pour la semaine prochaine, comme ça on aura le temps de réfléchir aussi, de digérer tout ça, parce Digérer tout qu'il y a ça. beaucoup d'informations. Ouais, et puis je crois que C'est fou le dossier que tu as fait. ce sera bien de répéter tout ça, je crois, parce que comme ouais, c'est vrai que c'est un dossier assez lourd, donc Ouais. Ouais, je m'attendais pas du tout à ça quand t'avais décrété que tu te lançais gaillardement sur ce vaste sujet. En fait, je me rendais pas compte qu'il était si vaste, quoi. Mais là, tu l'as vraiment exploré sous tous les angles. Ouais, J'ai ouais. appris plein plein de trucs. Non, j'avais dit au début du dossier la semaine passée, on part dans toutes les directions quand Ouais, c'est on parle vrai, de alors. thématiques comme ça. Bah, c'est formidable. Écoute, merci beaucoup. Et bah, merci aussi à Thierry d'avoir contribué, Thierry Reber. Et puis, bah, ouais, rendez-vous la semaine prochaine pour Oui, approfondir un peu. pardon. Je veux dire, pour les impatients, ces commentaires sont aussi publiés. Ces messages qu'ils nous ont envoyés, je les ai mis dans le dossier, donc ils peuvent aller les lire aussi pour les impatients. Excellent. Ok, bah sinon, on avait encore quelques petites bricoles. Comme toujours, d'abord, signaler que Lucille a de nouveau produit une illustration qui explique le succès évolutif des méduses. C'est franchement poil long. Rendez-vous sur le site très vite si vous ne l'avez pas vu. C'est excellent. Ensuite, Pierre Kerner a retrouvé ce qu'il voulait nous dire dans le premier épisode de sa saga sur l'histoire du vivant. Tu te rappelles peut-être, Mathieu, tu t'étais demandé à un moment si on pouvait définir qu'un organisme est en vie grâce ou à cause à sa capacité de mourir. Ouais. Et bah là, il a retrouvé ce dont il voulait parler, il l'avait sur le bout de la langue et c'était pas venu. C'était le concept d'immortalité biologique. Et on constate en effet que certaines cellules cancéreuses ne sont pas soumises au vieillissement biologique, que les tardigrades, dont on avait déjà eu l'occasion de parler, peuvent potentiellement vivre éternellement. D'ailleurs, une équipe de chercheurs russes en enverra en décembre 2011 sur Phobos, c'est l'une des deux lunes de Mars, pour tester la théorie de la panspermie, donc voir si la vie peut démarrer en envoyant comme ça du vivant et en voyant ce qui se passe. Eh bien ça, c'est marrant, ça pose un sacré problème éthique, mine de rien. Ouais, alors Et je me tu suis dis posé ça la même comme question. ça, du genre, ouais, on va envoyer des bactéries sur Mars, ou non, des tardigrades sur Des Mars, tardigrades, ouais, ces espèces pour de voir petits ours là, ouais. si ça déclenche la vie sur Mars. Mais c'est quand Alors même. c'est pas sur Mars quand même, hein, c'est sur Phobos. Ah, pardon. Ouais, c'est une des Ah, lunes de une des deux Mars. lunes de Mars, d'accord. Mais bon, même, bon, enfin, Effectivement, je suis sachant. d'accord avec toi, ouais. Comme si on n'avait pas déjà fait assez de dégâts ici. Dieu sait ce qu'on va encore. Non, mais ça a l'air On va d'être pris un encore peu à la travailler. légère comme ça, mais je trouve que c'est quand même assez important comme question qu'on peut se poser, si on doit le faire ou pas. Je sais pas. Enfin bon, c'est un autre débat. Bah, j'espère qu'on aura l'occasion de suivre tout ça de près. Ce sera à partir de décembre 2011, si tout va couvrir un peu tout ça. Ouais, le concept indique encore que certaines méduses ont des capacités de régénération cellulaire qui leur permet également, au moins tant qu'elles n'ont pas d'accident évidemment, de vivre éternellement. Et leurs cousines, les hydres, je ne me rappelle plus si on avait déjà parlé des hydres, mais je crois que oui, hein, ne semblent pas non plus soumises au vieillissement. Là, par contre, les mécanismes ne sont pas encore totalement expliqués. On ne sait pas très bien comment ça marche. Et puis, il y a les bactéries, finalement, en groupe, peuvent elles aussi vivre éternellement. Et ce concept s'appelle l'immortalité biologique. On va vous mettre un lien dans les notes de l'émission pour en savoir un peu plus. Donc j'ai une mini coupure. Donc t'as une mini coupure. T'as dit que les bactéries théoriquement en groupe elles peuvent survivre éternellement. Donc c'est vraiment D'accord. une bactérie en les bactéries en colonie oui, mais une bactérie individuelle non. Et Voilà. une bactérie individuelle est mortelle et une colonie de bactéries est immortelle. Ouais. Enfin, tant qu'on se spraye pas la colonie à grands coups d'antibiotiques, évidemment. Donc, tout ça, c'est évidemment hors accident, hein, mais c'est la notion de vieillissement, en fait, telle qu'on la connaît chez nous, qui n'existe pas chez ces espèces, ou en tout cas pas de la même manière. Donc, on ne peut pas définir le vivant en fonction de la capacité à mourir, finalement. C'était pour répondre à cette question-là. Ou ce sont des exceptions qui confirment la règle. On peut voir ça comme ça. Non, mais c'est incroyable, hein, mine de rien, cette immortalité biologique, quand on pense. Je savais pas que ça Ouais, existait, l'immortalité biologique. c'est épatant. Et puis, alors sinon, dans un autre registre, on a eu des commentaires concernant justement notre invitation à faire des commentaires sur iTunes. En fait, c'est pas évident pour tout le monde ce qu'est iTunes. Il y a des gens qui nous écoutent en cliquant sur le lien écouter sur le site. Donc voilà, on ne va pas entrer dans le détail. iTunes, peut-être juste dans les grandes lignes pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas et que ça intéresse, c'est la solution d'Apple qui permet d'acheter de la musique en ligne, de s'abonner aux podcasts, de trouver des nouveaux podcasts et de les synchroniser avec son iPhone. On mettra dans les notes de l'émission une petite procédure pour ceux qui voudraient justement aller mettre des commentaires sur le podcast, ce qui permet de le trouver plus facilement, ce qui permet de le faire remonter dans la liste des podcasts. Et puis, voilà, ça le rend plus accessible. Ce serait sympa, mais enfin, du coup, je suis allé voir ce que je fais pas souvent, ce qui se passe sur la description du podcast, Podcast Science, sur la page de l'iTunes Store Suisse. Et j'ai découvert qu'on avait des nouveaux commentaires. Donc Dave460, qui en avait marre d'écouter de la musique sur les chantiers et qui nous a trouvé en cherchant des podcasts sur des thèmes qui l'intéressent, il nous dit, enfin il a laissé le commentaire suivant, « Ça a l'air bête à dire, mais mes journées sont devenues plus belles et c'est grâce à vous. Alors je ne peux que vous dire merci. » C'est beau ça comme commentaire. Wow, ouais. Ouais, c'est top. Et puis on a notre ami Benoît Curdi qui nous dit ceci, « Podcast Science m'ouvre chaque semaine à des mondes fascinants. Alan, Mathieu et leurs chroniqueurs font un travail incroyable et parviennent à expliquer les thèmes les plus complexes avec une facilité surprenante. J'adore et à mon avis, c'est tout simplement le meilleur podcast francophone. » Rien que ça. Moi, j'ai versé ma petite larme quand j'ai lu ça. Donc il faut savoir que Benoît Curdi... Et l'un des créateurs du podcast, on trouve à l'adresse niptech.com, niptech.com, c'est en live tous les lundis à 21h sur Ustream. C'est donc un podcast sur la tech, sur le monde des startups, des nouveaux usages, et en toute transparence, c'est celui qui a inspiré la formule de podcast science. Alors si vous êtes un peu geek sur les bords et que vous ne connaissez pas encore niptech.com, allez-y. Moi, je ne suis pas sûr qu'on ait le meilleur podcast francophone. Je pense que ça se discute. Toutes catégories confondues, je crois que c'est quand même un peu optimiste. Hein. Ouais. Et puis bon, perso, je suis assez fan de niptech, justement. Et puis, tant qu'à faire, puisqu'on est dans les plugs, on n'a pas fait ça depuis longtemps, Benoît Curdi est également le co-animateur d'un autre podcast, en anglais cette fois, qu'il anime avec Rishi Balal, qui s'appelle Escape Velocity. On mettra le lien. Donc, c'est le podcast des entreprises qui changent le monde, et c'est vraiment génial. Si vous comprenez l'anglais, ça vaut la peine d'aller écouter un ou deux épisodes. Par exemple, l'invité de la semaine dernière, c'était Yasser Ansari, qui est derrière le projet NOAA. C'est un projet de science citoyenne qui est matérialisé par une application pour téléphone mobile, pour iPhone ou Android, qui permet entre autres d'apporter sa contribution au recensement de la biodiversité. On voit une bébête bizarre, on peut la photographier, la soumettre pour qu'elle soit recensée. C'est juste génial. Donc voilà, escapevelocity.is. Et puis, moi, j'ai rien d'autre à dire, en fait, si ce n'est introduire un grand coup de roulement de tambour. Cette fois, c'est confirmé, donc ta quote est vraiment plébiscitée, et pas que par moi. Ouais, je me suis fait un peu allumer hein, cette semaine. Ouais, mais... bon, tu l'as cherché aussi. Ma foi, il fallait tester, c'est fait. Ouais, je promets, ça ne se reproduira plus, j'aurai toujours ma quote. C'est bien, ça fait plaisir. Non, mais ça a valu la peine d'attendre une petite semaine, là. Pour écouter la quote sur cette thématique du langage chez l'humain. Alors, c'est une quote d'Oliver Sacks, un fameux neurologue britannique, qui dit « Le langage est cette invention si humaine qui permet ce qui en principe ne devrait pas être possible, voir à travers les yeux d'une autre personne. » Ah ouais. Elle est belle, hein ? Ah ouais, c'est génial. Ça me plaît. Effectivement, ça valait la peine d'attendre 2 semaines. Ouais. Je maintiens. C'est un truc auquel je pense souvent, en fait. C'est vrai qu'à travers le langage, on a cette capacité de transmission de pensée. Ouais. On peut avoir une idée de ce qui se passe dans le cerveau de quelqu'un d'autre, et ça, c'est vraiment c'est unique, et il n'y a que le langage qui le permet aujourd'hui. Peut-être qu'on aura d'autres technologies plus tard, mais enfin, pour le moment, c'est ce qu'on a inventé de mieux, et c'est formidable. Ouais. Ouais, je trouve que c'est une dimension poétique, en plus. Je la trouve très belle. Donc, ouais. Voilà, je me suis rattrapé. Ouais, alors t'es pardonné. Tu dois quand même tenir ton engagement à partir de maintenant, mais t'es quand même pardonné. Ouais, magnifique quote, très très inspiré, c'est super. Ok. Ok. Bien. Donc on en reste là pour cette semaine. La semaine prochaine, on retrouve notre ami Marco qui va venir faire sa première chronique. Enfin, ses deux premières chroniques sur. Enfin, il en a déjà fait une il y a quelques mois. Oui, c'est vrai. Ouais. Mais en tant que membre de la bande cette fois, il fait officiellement partie de l'équipe. Et on reviendra, comme on a dit, sur les messages que nous envoyait Thierry Reber, justement, pour approfondir aussi un peu ces notions sur le langage. Ouais, ça marche. Et si ça se trouve, d'ici la semaine prochaine, on en aura de nouveau, parce que Thierry Reber avait réagi à la première partie du dossier. Ouais. On va voir Bon, s'il a quelque chose voilà. à dire sur la deuxième ou si quelqu'un d'autre veut ajouter quelque chose. Excellent. Très bien. Bah, bonne semaine. À toi aussi. À bientôt. Ciao. Ciao, ciao.